Frantz Fanon n'est pas seulement l'auteur de Peau noire, masque blanc, dont nous parlions hier, ni des Damnés de la Terre, dont nous parlerons demain. Il est aussi psychiatre, et on lui doit de nombreux textes sur la psychiatrie qui donnent une assise clinique à ses réflexions philosophiques et militantes. À moins que ce ne soit l'inverse, les deux sont indissociables dans son travail, et nous avons 50 minutes ce matin pour mesurer l'ampleur de la révolution Fanon dans le domaine psychiatrique. Bonjour Claire Mestre. Je crois qu'il y a eu un petit souci, on n'a pas entendu tout ce que j'ai dit en début d'émission. C'est pas grave, je le reprendrai ensuite. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute et anthropologue et responsable de la consultation transculturelle du CHU de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est la psychiatrie transculturelle ? Alors, la psychiatrie transculturelle n'est pas une spécialité en tant que telle. C'est une démarche de soins pour des personnes, donc en l'occurrence des migrants, des étrangers, pour lequel le soin suppose un certain nombre de précautions et des cadres un petit peu particuliers. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est une démarche avec une méthode très précise. On utilise ethnopsychiatrie, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, car c'est un terme un petit peu ambigu, hein, qui peut prêter à des jugements rapides. Et donc, voilà, nous avons plutôt opté avec, c'est surtout Marie-Rose Moreau, hein, qui est notre chef de file pour la psychiatrie transculturelle, qui fait appel donc aussi à la dimension comparative aussi, s'appuie aussi sur des travaux de comparaison de certains syndromes. Alors voilà, mais c'est surtout une démarche de soins qui utilise donc la médecine, la psychiatrie, entourée d'un certain nombre de sciences humaines, dont l'anthropologie, la psychanalyse, la philosophie, l'histoire. Et cette pratique tient compte des différentes cultures, si j'ai bien compris. Vous visez à soigner des souffrances, disons morales, dans d'autres cultures que la culture dans le pays dans lequel vous êtes. Alors, pour moi, il y a deux dimensions. Il y a effectivement soigner en France des personnes dont la culture, dont le chemin migratoire est dont il faut tenir compte, hein, de même que la langue, hein, évidemment très importante. Et puis, il y a une autre dimension, c'est comment pratiquer la psychothérapie d'inspiration analytique à l'étranger, par exemple. Ouais. Moi, je vais régulièrement au Tchad pour travailler ces questions-là avec un groupe de... Ils ne sont pas psychologues, psychanalystes, mais comment on peut écouter l'autre en tenant compte du lieu d'où il parle, de ses pratiques culturelles. Voilà. Ça veut dire, et ça c'est sans doute un des apports de Frantz Fanon, vous allez nous le dire, qu'on ne peut pas prendre en charge psychiquement un patient sans tenir compte de son contexte, de sa culture au fond. Alors, oui, évidemment. Alors après, le contexte de Fanon était très particulier, on pourra sans doute parler de notre contexte. La notion de culture, c'est très important. Quand je dis culture, c'est la leur, c'est la nôtre aussi. C'est important parce que nous aussi, nous sommes des personnes dotées de culture et que cette rencontre-là tient en compte de leur culture avec ce qu'elle a de très mouvant, évidemment. Et ça, c'est aussi l'apport de Fanon, de très dynamique, mais aussi la nôtre. La nôtre, nous aussi, nous avons une culture professionnelle, nous avons une culture individuelle et c'est cette rencontre-là qu'il faudra féconder dans la rencontre psychothérapeutique. Voilà, mais ça veut dire qu'on ne considère pas un patient comme étant un élément psychique indépendant de tout le reste. Absolument. Ça paraît évident quand je le dis comme ça, mais en fait, c'est dans l'histoire de la psychiatrie, c'est quelque chose qui a été acquis au fil des années. Bien sûr, et qui n'est pas toujours acquis pour tout le monde, effectivement. Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire que on peut écouter un patient et faire un diagnostic uniquement, hein, c'est des pratiques très fréquentes, sans tenir compte effectivement du fait que c'est un homme, comme dit Fanon, et qu'il a un désir et que son individu, sa personne, sa psyché est complètement pénétrée, nourrie, construite avec tous les éléments de son environnement et de son histoire. L'habilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Cowles, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état à partir d'arguments scientifiques d'une lobotomie physiologique du noir. Donc, pratiquement, cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement. C'est très important, parce qu'il est admis scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale, comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Donc, le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique, puisque normalement, il est... La démonstration est imparable, Claire Mestre. Si la lobotomie a pour conséquence d'amoindrir les cerveaux des Européens, bah pas besoin de la pratiquer sur les Noirs et sur les Arabes, comme il dit, puisque ceux-ci sont déjà amoindris d'après la thèse qu'il présente. C'était un extrait de son intervention au premier congrès, enfin l'intervention de Frantz Fanon, au premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris en septembre 1956. 4 ans auparavant, il avait rédigé le syndrome nord-africain, un pamphlet contre l'attitude raciste et rejetante du corps médical français devant un patient nord-africain. Leur attitude consistant à considérer que ce patient était une sorte de malade imaginaire. On voit comment ici, d'emblée, le scientifique, chez lui, s'allie à la réflexion, non seulement à la théorie, mais à aussi une sorte de pratique. C'est pour ça qu'on ne peut pas distinguer d'un côté le Fanon écrivain du Fanon psychiatre de l'autre. Claire Mestre. Absolument, oui, tout à fait. Dans sa formation, c'est très frappant, c'est-à-dire qu'il est complètement inscrit dans les réflexions de son temps, comme psychiatre, avec toutes les nouveautés, toutes les questions, d'ailleurs qui sont encore des questions pour certaines d'actualité. Et parallèlement, il mène tout un travail de recherche, d'abord sur lui-même, sur sa rencontre avec la France, avec la métropole. C'est vraiment important. Et en quoi lui, martiniquais, colonisé, noir, va produire un certain nombre d'effets sur les autres. Donc c'est vrai que c'est une démarche sur deux pieds, en fait. Mm-hmm. La clinique, et ça c'est très important, c'est un homme qui écoute, et la réflexion sur lui-même, nourrie alors évidemment de philosophie, de psychanalyse, d'histoire, de littérature évidemment. Donc évidemment, on ne peut jamais différencier les deux, mais là où il est complètement révolutionnaire, c'est que d'abord il dénonce le racisme dans la psychiatrie et dans la médecine aussi. Ça, c'est, on le verra sans doute, hein, il a un très beau texte sur médecine et colonialisme. C'est-à-dire que le savant, le scientifique, comme il dit, est traversé aussi par les idées, par l'histoire où il vit. Une psychiatrie, se doit d'être réflexive par rapport à ce qu'elle dit sur le plan diagnostique, et c'est toujours vrai. On ne peut pas classer les gens comme des insectes. Il y aurait celui-là qui serait bleu, celui-là qui serait vert, en plus avec une dimension très rejetante et très excluante. Et ça, c'est grâce, je dirais, à sa démarche propre, qui est une démarche que chacun d'entre nous devrait avoir, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire s'intéresser à la psychiatrie. Bon, on voit tous ces travaux qui ont été faits aussi bien pour les médicaments, pour la convulsothérapie, pour la psychothérapie institutionnelle, et parallèlement, cette espèce de démarche sur lui-même, qui est comment je rencontre le monde, comment j'écoute les autres. Mmh. Comment se passe la rencontre de Frantz Fanon avec la psychiatrie à son arrivée en France ? Alors, ce qui me paraît très important, c'est qu'il arrive donc à l'université de Lyon en ayant déjà lui-même un vécu. Hein, le vécu du noir, hein, qui apparaîtra dans Peau noire, masque blanc. Donc, il arrive dans un domaine où il est déjà, c'est quelqu'un qui est hors du commun d'une certaine façon, d'une extrême intelligence et avec ce vécu-là. Donc, il approche la psychiatrie dans tout ce qu'il a de nouveautés, la découverte, surtout Lacan avec la psychanalyse. Donc, je pense que c'est quelqu'un de très curieux et qui d'emblée va aborder la psychiatrie avec la philosophie. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, chose que nous ne pouvons plus faire, nous, dans nos études. On ne peut plus faire de médecine tout en ayant à côté une autre. C'est ce qui est dramatique, en fait. Hein. Donc voilà, il aborde les choses avec curiosité, avec envie et avec ses propres interrogations sur lui-même. Après, ce qui est frappant, c'est qu'il va choisir Saint-Alban, donc oui. Avec Tosquelles. Donc là, Saint-Alban aussi, de Limagnol, c'est en Lozère. Exactement, ouais. Tout à fait. Donc là aussi, je pense qu'il est toujours nourri de cette réflexion sur lui-même et sur l'articulation de l'homme avec son environnement, son histoire, sa couleur de peau. Voilà. On trouve réunis aux éditions de la Découverte les écrits sur l'aliénation et la liberté de Fanon, dans lesquels on trouve tous les articles sur la psychiatrie hein, qu'il a écrit. On trouve aussi des pièces de théâtre. Il y a vraiment énormément de textes qui sont très utiles pour comprendre l'apport de Fanon dans cette discipline qu'est la psychiatrie. On va préciser ensemble quel est-il, mais juste vous avez dit qu'il c'était révolutionnaire. Vous pesez vos mots. Pour vous, ce que Fanon a apporté à la psychiatrie, c'est révolutionnaire ? Alors, je dirais, ce qui pour moi est révolutionnaire, c'est la notion de race qui s'articule à la question d'histoire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de la race une essence, mais quelque chose qui s'inscrit dans une histoire. Mmh. Ça, c'est très nouveau, ça c'est révolutionnaire. Et d'ailleurs, on en a encore les effets. La psychiatrie, c'est assez peu approprié cette dimension, sauf, je trouve, dans la psychiatrie transculturelle. La psychanalyse balbutie aussi là-dessus, mais ça, pour moi, oui, c'est révolutionnaire, complètement. Et après, il s'est engagé, par exemple, la psychothérapie institutionnelle à l'époque. C'est Tosquies qui était révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire également, c'est la pratique de la psychiatrie en Algérie. Mm-hmm. Ça, oui, c'est inédit. C'est pour ça que, grâce à Alice Cherki, nous avons retrouvé tous les écrits psychiatriques. Enfin, elle a mis à jour, je dirais. Mais ça, c'est une démarche qu'on devrait apprendre pour tous les psychiatres. D'ailleurs, comment utiliser, comment avoir son outil, ses méthodes, son écoute. Je dirais, dans un environnement, alors là, pour le coup, c'est un environnement colonial, donc c'est encore, encore plus révolutionnaire. Mais comment on fait avec ça pour vraiment traiter le patient, le malade, comme une personne à part entière? Ça, c'est révolutionnaire, oui. En 1953, il arrive à l'hôpital de Blida-Joinville, un hôpital fondé par le psychiatre français Antoine Porot, qui était le fondateur de l'école psychiatrique d'Alger. C'est Porot qui va développer la théorie raciste du primitivisme. On va d'abord entendre un texte qui explique cette attitude-là, et puis ensuite, vous entendrez la voix d'Alice Cherki que vous venez de citer. Depuis quelques années, on parle beaucoup d'ethnopsychiatrie. C'est le professeur Porot d'Alger qui, en 1918, esquissa le premier une tentative d'approche psychiatrique du musulman. Dans ses notes de psychiatrie musulmane, il rappelait, en un diagramme vigoureux, les principales caractéristiques de l'indigène nord-africain. Pas ou presque pas d'émotivité, crédule et suggestible à l'extrême, entêtement tenace, puérilisme mental, moins l'esprit curieux de l'enfant occidental. Facilité des accidents et des réactions pitiatiques. C'est surtout en 1935, au congrès des médecins aliénistes et neurologues de France et des pays de langue française qui se tenait à Bruxelles, que l'idée féconde fut proposée. Envisageant le cas particulier du Nord-Africain, le professeur Porot pouvait dire que l'indigène, gros débile mental dont les activités supérieures et corticales sont peu évoluées, est surtout un être primitif dont la vie, essentiellement végétative et instinctive, est surtout réglée par son diencéphale. En avril 1939, étudiant le problème de l'épilepsie, ses auteurs concluaient « Le primitivisme n'est pas un manque de maturité, un arrêt marqué dans le développement du psychisme individuel. » Il est une condition sociale parvenue au terme de son évolution. Il est adapté de façon logique à une vie différente de la nôtre. C'était dans les années 50. Et l'hôpital psychiatrique de Blida était un univers carcéral. C'était l'univers de l'enfermement asilaire. Et Fanon avait trouvé une situation assez exemplaire de ce que pouvaient être les asiles. Alors, le mérite de Fanon, c'est d'avoir non seulement essayé d'introduire une autre dimension que la psychiatrie biologique dans un service très ancestral des hôpitaux psychiatriques, avec des traditions d'électrochoc et de pas de parole aux malades, d'avoir essayé de réintroduire ça. Ça, c'est son premier mérite. Mais la deuxième, c'est la façon dont Fanon a compris très très vite que cette structure de social thérapie ne pouvait être mise en place que par la découverte des malades eux-mêmes de quelles étaient leurs propres références culturelles. France Culture. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de Franz Fanon cette semaine, aujourd'hui, la psychiatrie contre la colonisation des cerveaux, en compagnie de la psychiatre Claire Mestre, qui est avec nous en studio ce matin. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce mot qu'a employé Alice Cherki, qui est donc psychiatre et psychanalyste, qui s'est formée auprès de Franz Fanon, à qui l'on doit l'un des premiers livres sur Fanon en France, en 2000, un portrait de Franz Fanon, qu'on trouve en point, que je vous recommande de lire, évidemment. Elle parle de social-thérapie. Qu'est-ce que c'est la social-thérapie ? Alors, la social-thérapie, c'est justement ce que Fanon a appris auprès de Tosquelles, donc à Saint-Alban, c'est-à-dire comment l'institution se doit d'être accueillante pour le malade, c'est-à-dire que effectivement, c'est tenir compte d'un environnement, c'est lui proposer de vivre au mieux de ce qui est possible pour le soigner. Donc ça, à l'époque, c'était effectivement quelque chose qui a été nommé comme psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire que le soin passe par l'institution. Donc Fanon arrive avec cette formation, et évidemment, il va se rendre compte que la social-thérapie, on ne peut pas l'appliquer comme ça, puisque il a deux pavillons, les femmes européennes et les hommes musulmans. Ça, c'est à Blida, quand il arrive en Algérie. Quand il arrive à Blida, donc dans l'atmosphère que nous a décrite Alice Cherki. Et donc, la social-thérapie marchera d'emblée assez bien avec les femmes européennes, donc des activités, et ça aussi, je trouve que c'est très remarquable, c'est-à-dire de redonner la parole aux patients, mais leur donner les capacités aussi de parler, c'est-à-dire d'abord d'utiliser leur corps, ce qu'on appelait l'ergothérapie, le journal, etc. Et effectivement, comme il le dit, le service va se vider au fur et à mesure de certaines patientes qui étaient chronicisées. Parce qu'on leur a redonné la possibilité, l'institution, la social-thérapie, lui donne la possibilité à nouveau de bouger, de penser. Oui, concrètement, ça veut dire associer les patients à leur propre prise en charge. Ça veut dire les associer à la vie au sein de l'hôpital, à la préparation des repas, aller faire le marché, aller chercher le journal, etc. Leur donner un rôle à jouer, au fond. Leur donner un rôle à jouer, mais je crois que c'est encore plus que ça. C'est leur donner la capacité de penser aussi. Ça, c'est important, parce que quand il leur dit on fait un journal, on va écrire, ça c'est aussi... Si vous voulez, c'est ça qui est frappant chez Fanon, c'est la préoccupation corporelle du geste, de la pratique, mais aussi de la pensée. C'est aussi ce qui va être troublant jusqu'au bout pour Fanon, c'est que jusqu'au bout, il pense même les choses les plus difficiles, c'est-à-dire la guerre. Donc, pour en venir à la social-thérapie, il met à l'œuvre tout ça, et ça marche bien. Et puis, par contre, pour le pavillon des hommes... Donc, ça marche pour les femmes européennes, voilà, mais pour les hommes musulmans... Ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il fait la même chose. Et très vite, les infirmiers, d'ailleurs, parce qu'il y a les malades, mais il y a aussi les infirmiers qui ont un rôle très central, les infirmiers qui seront aussi très importants dans leur formation, dans leur capacité de soins, ça marche pas pour les hommes musulmans. Donc à ce moment-là, c'est ce que dit Alice Cherki, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudra pour leur donner la parole. En fait, il y a une forme de détour par la société et par la société musulmane, enfin la société algérienne de l'époque. Ouais. Quoi. Voilà. Donc en fait, Fanon avec ses internes et Azoulay en particulier va sortir des murs de l'hôpital pour aller à la rencontre de l'Algérie en fait, de la façon de soigner. Donc ça devait être très exaltant et très très nouveau parce que en fait, il fait de l'anthropologie, de l'ethnologie sans d'ailleurs utiliser ce terme-là parce que il est toujours très méfiant des grandes sciences humaines qui sont comme ça très officielles, que ce soit la psychanalyse ou même la sociologie, il est très très méfiant, mais lui, il s'approprie ça, il va à la rencontre des soirées, des lieux et il les réintroduit dans l'hôpital. C'est ça, et c'est là où la démarche est très subtile et sans doute révolutionnaire, c'est que dans le texte que vous avez entendu juste avant, qui était lu par Georges Clès, il décrivait ce qu'avait apporté le professeur Porot, qui était le premier à esquisser une tentative d'approche psychiatrique du musulman, il l'appelle ainsi. Dans ses notes de psychiatrie musulmane, finalement, on se rend compte, on pourrait le dire ainsi, qu'il essentialise le musulman et qu'il l'essentialise de manière très négative. Il n'a pas d'émotivité, il est crédule, il a un puérilisme mental, voilà, c'est quelque chose de très très dégradant pour lui. de manière essentielle, ça veut dire que la personne qu'il a en face de lui n'est qu'un musulman, et un musulman, ça veut dire en gros un sous-homme, au gros, si on comprend le texte. C'est d'une violence incroyable. Oui. Fanon, lui, va essayer de réinvestir cette particularité, mais sans l'essentialiser, justement, en essayant de voir quelles sont les composantes culturelles qui sont davantage même du côté de l'ethnopsychiatrie, pour essayer de définir, de comprendre l'homme qu'il a en face de lui. Absolument. Absolument. Oui, alors, ce qui est effectivement complètement révoltant, hein, cette ethnopsychiatrie, pour le coup, puisque le terme est utilisé, c'est l'essentialisation de l'autre est vue, je dirais, d'une dimension, enfin, on se demande ce qu'il a en face de lui, c'est pas des hommes, c'est effectivement, comme vous dites, des sous-hommes. Ouais. Donc, traversé par, justement, la colonisation, qui voyait effectivement les indigènes comme des musulmans, contribuer aussi à la vision de ces hommes-là, ce qui est grave. Il faut redire que pour eux, il est allé à l'OMS, c'est ce que dit quand même Fanon, c'est-à-dire qu'il institue une psychiatrie officielle, raciste. Alors, il a été contredit, heureusement. Mais quand? Peu de temps après ou tard? Oui, peu de temps. C'était dans les. Alors, je ne peux pas vous dire à quelle date. Non, mais il a été. Mais après les grandes révoltes de l'Algérie, donc il était. Alors, je pense que c'est plutôt Carotter qui a été à l'OMS. Mais bon, c'était le même discours en tous les cas. Ouais. C'est-à-dire un discours qui a été officialisé. C'est surtout ça qui est important, que ce soit par Poirot ou par Carotter. Donc, c'était quand même une vision raciste de la personne. Alors, ce qui est frappant, c'est effectivement, il n'y a rien à défendre, hein, c'est colonialiste, c'est l'évolutionnisme de ce qui était à ce moment-là le mouvement des sciences humaines. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que ça dénote aussi le type de relation, et ça, c'est important, le type de relation qu'il y avait entre un psychiatre et le patient qu'il avait en face de lui. Ce que Fanon avait déjà dénoncé avec le syndrome nord-africain, c'est-à-dire ce qui est important, c'est de nouer une relation. On ne peut pas, un psychiatre ne peut pas passer à côté de ça. Nouer une relation avec un autre, quel qu'il soit, musulman, chrétien ou autre, et s'en donner les capacités. Sinon, eh bien, vous avez effectivement en face de vous des gens à qui on ne donne pas la parole et qui sont muets, en fait. Qui sont des gens muets, qui sont des gens, alors on pourrait reprendre les termes de Poirot, et ça, je pense que c'est très d'actualité, c'est-à-dire un psychiatre, un psy, de manière générale, ou même un soignant ouais. qui ne donne pas la capacité à l'autre de s'exprimer en tenant compte d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire en nourrissant la relation, en ayant pour viser la rencontre, va rencontrer un homme muet. Ce qui nous paraît évident aujourd'hui, encore une fois, enfin j'espère, mais il faut réinscrire dans le contexte. Fanon, d'ailleurs dans Peau noire, masque blanc, critique toute une partie de la psychanalyse, et notamment le travail d'Octave Manoni, qui, lui, va identifier chez le colonisé un besoin de soumission à certaines forces oppressantes, donc aux colonisateurs, comme pour justifier par là l'ordre établi, à savoir celui de la colonisation. Oui, alors c'est vrai que l'échange avec Manoni justifie à lui seul vraiment toute une émission. Oui. Parce que Manoni, alors évidemment, ce qui reste de Manoni, malheureusement, c'est cette idée de la dépendance du malgache qui attendait la colonisation. Rendons quand même à Manoni quelque chose d'important, c'est qu'il a essayé d'introduire la question subjective entre le colon et le colonisé. Donc ça, il faut lui rendre grâce. Et c'est vrai que Fanon, certainement, s'est nourri aussi de cette recherche quand même, hein, même s'il l'a énormément critiqué. Voilà. Mais c'est vrai aussi que finalement, Manoni a été victime aussi, finalement, de son contexte. Comment échapper à son contexte, c'est très compliqué, pour faire du malgache, encore une fois, pas des malgaches, mais du malgache, un être dépendant, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il est passé à côté de quelque chose. Bon, il reviendra là-dessus, et je pense que malgré tout, il a été honnête. Hein. Mais vous sauvez Manoni, plus non, que Fanon. Je rends à Manoni ce qu'il faut lui rendre quand même. Mais c'est vrai que j'ai écrit là-dessus, hein, j'ai écrit sur Manoni parce que travaillant sur Madagascar, ça m'a beaucoup intéressée. Mais c'est vrai qu'il faut restituer à Manoni son désir d'introduire. Alors, la différence quand même entre Manoni et Fanon, c'est que Manoni n'avait jamais eu de patient malgache. Alors que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il plaque aussi sur une relation, des relations qu'il a, parce qu'il connaît quand même très bien Madagascar. Je pense qu'il parle pas la langue, mais il doit comprendre. Bon, mais il plaque des concepts analytiques sur des relations. Alors que Fanon procède à l'inverse, c'est-à-dire qu'il se nourrit aussi de la clinique, de la relation. C'est ça qui est intéressant chez Fanon, c'est que c'est un clinicien. et qui a envie de rencontrer l'autre. C'est ça aussi son, quand il parle de l'enthousiasme. Moi, j'aime beaucoup cette notion d'enthousiasme, parce qu'il l'aura jusqu'au bout, cet enthousiasme. Et Dieu sait s'il a dû être très désespéré de voir ce qu'il voyait. Mais il est enthousiaste, il a envie de rencontrer l'autre, et c'est de ça dont il se nourrit. Alors, comment se passe une rencontre avec Fanon? Voici un exemple. Je venais d'arriver à Tunis, c'était suite à ma 13e blessure. Et le premier contact que j'ai avec lui, c'est surtout Fanon le psychiatre. Fanon le psychiatre, parce que voilà la question qu'il m'avait posée. Commandant, il m'a dit, c'est brutal, hein? J'ai dit oui. Il m'a dit, je connais la rigueur morale de la guerre d'Algérie. Je veux savoir, depuis quand tu n'as pas eu de rapport sexuel? Ah, moi, une question comme ça posée brutalement, j'ai dit, mais de quoi il se mêle celui-là? Un fort intérieur, j'avais. Donc, j'ai répondu. Et là, je suis assez pudique, je veux pas aller très loin. Et il s'est occupé de moi, il m'a soigné. Voilà, ça c'est la première rencontre avec lui. Et c'était la voix du commandant Hasdine, un officier de l'armée de libération nationale, le bras armé du FLN pendant la guerre d'indépendance d'Algérie, qui raconte donc sa première rencontre avec Fanon. Vous remarquerez que le terme qui revient deux fois, et c'est souvent présent dans les témoignages des gens qui ont travaillé avec Fanon, c'est celui de brutal. Il y a quelque chose de qui prend par surprise, qui est déjà un premier choc. Et ensuite, les personnes qui le rencontrent louent son sens de l'écoute, son intelligence extrême, Claire Mestre. Exactement, c'est tous les témoignages. Alors d'impatience, ça c'est encore plus intéressant, témoigne effectivement de sa brutalité et de l'intensité de son regard aussi. C'est intéressant parce que le regard dit beaucoup, hein. Il a beaucoup travaillé sur le regard des autres, sur lui. Mais oui, mais oui, l'œil, comme il dit, mais lui aussi, il a un regard pénétrant. Et c'est ce qui désarçonne. Alors, est-ce que c'est une technique qu'il avait de désarçonner l'autre, de le prendre comme ça par surprise, mais ensuite pour avoir une relation avec lui? Et je dirais, quel qu'était le patient, parce qu'il a soigné aussi des bourreaux. Enfin, je veux dire, ça aussi, c'est frappant. Ah oui, oui, oui, oui, il raconte à Blidac, au moment de la guerre d'Algérie, il accueillait toute personne qui venait le voir, et même des gens qui torturaient. Donc, bon, il y a des cliniques qui sont vraiment très intéressantes, parce que le bourreau arrive, dit j'en peux plus de torturer. Mais je leur dis, mais je vous en prie, avouez, mais j'en ai marre, quoi, je ne peux plus, j'en deviens fou. C'est-à-dire que c'est un homme qui est ce qui permettra à Fanon de dire que le colonialisme détruit évidemment les colonisés, mais le colon aussi est détruit aussi. Ça, c'est très important. Oui, par cette technique de cette brutalité extrême. Donc, c'est ça aussi chez Fanon qui est... c'est que, bon, dans la clinique de ce bourreau, il dit... il ne pouvait pas rester à l'hôpital parce qu'il avait croisé un de ses anciens, une de ses anciennes victimes. Alors, vous imaginez les dégâts. Il le soigne en privé, quoi. C'est l'engagement de Fanon, quelles que soient ses idées, quel que soit son engagement pour l'Algérie, pour tout homme. Il l'écoute. Alors, il a certainement une première rencontre un peu saisissante, on va dire. Mais derrière ça, il y a un grand intérêt pour l'autre, quoi. Voilà. Ça veut dire que c'est d'abord un homme de soins. Ça, c'est ce que disait Achille Mbembe lundi dernier, dans toutes les dimensions de son existence, et pas uniquement lorsqu'il est soignant. Mais ça veut dire aussi, si je vous suis bien, qu'il faut, pour Fanon, soigner l'institution psychiatrique elle-même. Alors, c'est en même temps, vous avez raison de souligner ça, parce que je pense que ça a dû faire partie de ces interrogations fortes, donc de la social-thérapie qu'il avait appris à Saint-Alban avec Tosquelles. C'est jusqu'où on peut soigner l'institution? Est-ce qu'il n'y a pas une limite? Puisque l'institution psychiatrique en Algérie, c'était l'institution coloniale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je pense qu'il est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait aller, jusqu'à sa démission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner un patient dans une institution qui est irréformable. De toute façon, c'est vrai que ça devait être absolument désespérant, même s'il a fait des grandes choses et qu'il a appris et qu'il a transmis beaucoup. Mais au bout d'un moment, il y a une limite, puisque le but de l'institution psychiatrique coloniale, c'était l'assimilation du musulman, de l'indigène, du fou colonisé. L'assimilation. Donc forcément, avec tout ce que ça voulait dire sous la colonisation, de l'assimilation et de la violence, eh bien, il y avait une limite à cela, quoi. Et voilà. C'est pour ça qu'il démissionne ? Alors oui, il démissionne parce que bon, déjà, c'est dans, enfin là aussi, il faut bien revoir le contexte, hein, inimaginable pour nous qui n'avons pas connu ça, c'est-à-dire c'est la guerre, c'est la colonisation et c'est la guerre. Donc probablement qu'il est, il dit qu'il a de, enfin qu'il est, il est certainement, il se questionne énormément. Et puis il voit bien que, il le dit dans sa lettre de démission, que au bout d'un moment, comment soigner des hommes alors que la société, elle est malade, quoi, en fait. C'est quoi soigner dans ce cadre-là? C'est quoi? C'est adapter le, la personne à une société malade. Donc là, il avait trop de contradictions, je pense, et là, il fait sa lettre de démission. Monsieur le ministre, installé à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville le 23 novembre 1953, j'y exerce depuis cette date les fonctions de médecin-chef de service. Bien que les conditions objectives de la pratique psychiatrique en Algérie fussent déjà un défi au bon sens, il m'était apparu que des efforts devraient être entrepris pour rendre moins vicieux un système dont les bases doctrinales s'opposaient quotidiennement à une perspective humaine authentique. Pendant près de 3 ans, je me suis mis totalement au service de ce pays et des hommes qui l'habitent. Je n'ai ménagé ni mes efforts, ni mon enthousiasme, pas un morceau de mon action qui n'est exigé comme horizon l'émergence unanimement souhaitée d'un monde valable. Mais que sont l'enthousiasme et le souci de l'homme si journellement la réalité est tissée de mensonges, de lâcheté, du mépris de l'homme? Que sont les intentions si leur incarnation est rendue impossible par l'indigence du cœur, la stérilité de l'esprit, la haine des autochtones de ce pays? La folie est l'un des moyens qu'a l'homme de perdre sa liberté. Et je puis dire que, placé à cette intersection, j'ai mesuré avec effroi l'ampleur de l'aliénation des habitants de ce pays. Si la psychiatrie est la technique médicale qui se propose de permettre à l'homme de ne plus être étranger à son environnement, je me dois d'affirmer que l'arabe, aliéné permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. Cette dernière phrase est glaçante en Clermestre et on va la commenter. D'abord, précisons peut-être le lien particulier de Fanon avec l'Algérie. Il découvre ce pays quand il est mobilisé et il va décider d'y retourner et il travaille dans ce pays qui, dit-il, ne lui ressemble pas. Au fond, comment vous expliquez le lien si fort entre Fanon et l'Algérie? Je l'explique pas parce que je n'ai fait que lire là-dessus. Hein. C'est Glissant qui en parle, oui. Hein, sur le détour de Fanon. Comme un, on pourrait dire passage à l'acte, passage à l'action en tous les cas, hein. C'est-à-dire certainement que passer. Alors l'Algérie, je dirais qu'à ce moment-là, pour la France, c'était vraiment, enfin je veux dire, on tenait à l'Algérie, même si on l'a torturée, on y tenait. Il y a une relation très très particulière, comme d'ailleurs un peu avec Madagascar, mais Madagascar est beaucoup plus loin, quoi. Donc il y a des liens, il y a quelque chose de l'ordre de l'histoire. Lui, il arrive avec son histoire de coloniser, que finalement il ne peut réfléchir qu'en France et au moment de la guerre. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il a dû vivre, il le dit, un racisme, le regard des autres. Hein. Tiens, maman, un nègre dans le train, quoi. Vraiment, ça a dû être quelque chose de très choquant et très révoltant. Et alors, l'Algérie, d'après ce que j'ai lu, n'était pas forcément sa destination. Alors, je sais plus qui dit qu'il aurait bien aimé aller au Sénégal. Bon, le Sénégal aussi, toute une histoire aussi, ouais. Avec le Sénégal et puis avec les écrivains, Senghor, bon, voilà. Et il fait, alors je crois que c'est Ali Cherki, faudrait être sûr, qui raconte qu'il fait une lettre à Senghor et qu'il n'aura jamais de réponse. Voilà. Mais par contre, qu'il y a un poste à Blida. Donc effectivement, et je dirais, il y a une concordance des intérêts. Oui, et puis il y a aussi un combat qu'il recherche, parce que en Martinique, d'où il vient, justement, il n'y a pas eu cette lutte. Il reproche à Césaire Maire de Fort-de-France, justement, de procéder à la départementalisation du pays, finalement avec beaucoup de facilité quand on compare à la guerre d'Algérie. Et au fond, c'est comme si l'Algérie lui fournissait les armes dont il avait lui-même besoin. Oui, certainement que ça a été le terrain pour pour décoloniser, justement, pour s'engager, parce que le terme engagement pour Fanon, c'est pas qu'un mot, quoi, c'est une pratique, c'est du quotidien, quoi. Donc effectivement, il a dû trouver en Algérie ce pourquoi, un sens aux soins, à l'engagement, ça, c'est certainement. Mais voilà, mais pourquoi l'Algérie? C'est vrai que l'Algérie, c'est une partie de nous-mêmes, c'était une partie de la France, on était au cœur d'un revers de notre histoire, quoi. Hein. C'est vrai. Ouais. Et la façon qu'il a de le décrire et d'insister dans ce texte magnifique, donc sa lettre de démission, ouais, adressée à Robert Lacoste, gouverneur général de l'Algérie en décembre 1956, qu'on trouve dans les écrits sur l'aliénation et la liberté, que je citais tout à l'heure aux éditions de la Découverte. Le mot qui revient, le mot clé, c'est celui d'aliénation. Il faut qu'on essaie de définir ce que c'est que cette aliénation selon Fanon Clermès, car c'est un thème qui a été beaucoup investi, puis critiqué justement. Alors, qu'est-ce que l'aliénation selon Fanon ? Alors, l'aliénation, je dirais que c'est un terme au croisement justement d'un terme de psychiatrie et puis d'un terme plus, on va dire, anthropologique et politique. C'est-à-dire que la colonisation voulait rendre les autres autres, c'est-à-dire les aliéner, les rendre autres. Et ça correspondait aussi justement à son expérience vécue du noir, d'être aliéné au regard de l'autre. Ça, c'était vraiment... Ali Cherki insiste beaucoup sur la dimension du regard, mais je crois que c'est vraiment c'est d'une grande importance. Donc, effectivement, quand il parle de l'homme dans son désir, il le dit bien, hein, dans ce que doit être un homme aliéné, c'est-à-dire complètement modifié et avec violence par la colonisation, mais ça aurait pu être d'autres formes de domination, parce que finalement, nous avons encore des formes de domination. Nous pouvons aussi parfois nous sentir complètement aliénés. Donc, effectivement, il y avait là, et c'est là aussi ce qui est important, je crois, parce qu'on a beaucoup reproché à Fanon l'idée de la violence, hein, puisque bon, vous en avez parlé, hein, de la question de la violence, mais je crois qu'il y avait une telle brutalité dans cette volonté d'aliéner, d'assimiler l'autre, de le modifier, qu'il fallait bien beaucoup de violence, beaucoup. Alors, une violence qui n'était pas... Oui, quel est le type de violence que prenait Fanon pour se libérer de l'aliénation? Je pourrais pas tout dire de la violence de Fanon. Moi, quand je le lis, je n'entends pas seulement, et il le dit d'ailleurs lui-même, hein, à Crass, ce n'est pas prendre forcément les armes, c'est pas, parce que je pense qu'il a été trop témoin de la violence de la guerre pour accepter une violence continue avec la guerre. C'est pas possible. Fanon, il faut pas l'oublier, il a été témoin de tellement d'horreurs de la guerre. C'est un témoin incroyable, quoi. Incroyable, parce que témoin de la violence et témoin de la violence sur le psychisme. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc, voyant ça, alors, c'est une interprétation personnelle. Je ne peux pas penser qu'il ait dit « continuons la violence pour... » Mais il le dit « discutons d'abord, discutons. » Et surtout, discutons d'égal à égal. Et pour être un égal de l'autre, il faut une certaine forme de violence, se faire aussi violence pour... Je tiriserai un mot que j'avais beaucoup aimé d'Elsa Dorlin, se remembrer, ouais, se reconstruire, mais il faut une force violente, quoi. Et c'est là où je la situe, la violence, finalement, je la vois aussi comme une forme d'optimisme, bizarrement. Parce que ce qui lui a été reproché, alors je ne sais pas si on peut parler de reproche, mais en tout cas parmi les critiques émises au sujet de cet emploi du mot aliénation par Fanon, on trouve le fait que ce concept sous-entendait que le sujet colonisé devait se désaliéner en extirpant la culture du dominant jusque dans sa psyché pour atteindre une vie libérée. C'est ce qui lui a été beaucoup reproché, effectivement, comme si on pouvait extirper de soi. Beaucoup sont revenus là-dessus, dont Jacques André, justement, le psychanalyste qui a beaucoup travaillé en Martinique. C'est-à-dire qu'il faut faire avec. C'est comme la question du trauma. Du traumatisme sur lequel il a beaucoup travaillé aussi. Il faut faire avec. On ne peut pas enlever ce qui a été finalement imprimé. On ne peut pas refaire l'histoire finalement. Mais par contre, il faut faire avec et probablement ne plus être, comme il le dit lui-même aussi par rapport à sa propre histoire, renvoyé sans cesse à cette histoire-là, quoi. Ça serait peut-être ça la désaliénation, c'est ne plus être dépendant d'être vraiment un sujet de désir, quoi, de pas être seulement dépendant de son histoire. Ce qui est le but de toute forme d'analyse psychanalytique ou psychiatrique, et qui, c'est un but à atteindre, c'est ça. C'est un but à atteindre, exactement. C'est une utopie à atteindre. Mais c'est ça, en fait, qui est passionnant, je trouve, c'est de voir comment on peut transposer la réflexion de Fanon dans un contexte belliqueux qu'est la guerre d'Algérie à d'autres situations. C'est ce que vous venez de dire, au fond. À quoi ressemble l'aliénation aujourd'hui et quels outils avons-nous à notre disposition pour nous en sortir? Mais bien sûr, mais la question se pose en psychiatrie. Alors, moi, qui soigne des personnes qui ont vécu la guerre, justement, hein, souvent, des gens qui viennent en France pour être protégés, eux aussi, on peut dire, si on se regarde nous et si nous regardons les autres sous le biais de l'aliénation liée à notre histoire, nous avons des tonnes d'aliénation. Et comment on va faire avec et comment on va se repositionner? C'est toute l'histoire du suivi psychiatrique aussi. Comment on va vivre avec? Comment on va vivre avec ces dominations, ces histoires? Enfin, je veux dire, nous avons quand même chez nos patients beaucoup d'ex-colonisés. Beaucoup, puisque ceux qui viennent dans nos consultations, ce sont alors des gens qui viennent presque du monde entier, mais beaucoup d'Afrique. C'est ça aussi qui est incroyable. Si vous voulez, j'y pensais quand je relisais Fanon avant de venir, c'est que les jeunes, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, il y a beaucoup de jeunes Africains, donc qui ont une histoire aussi, une histoire coloniale. Alors évidemment, comme moi, j'ai une histoire coloniale, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vécue nous-mêmes, mais nos parents l'ont vécue du côté de la France ou du côté des pays colonisés. Et qu'est-ce qu'ils viennent demander? Eh bien, d'être éduqués, de travailler, d'aider leur famille. Mais c'est incroyable, parce que quand ils disent « nous, on n'a envie qu'une chose, c'est d'apprendre et d'aller à l'école », c'est quand même l'héritage de la colonisation aussi. Hein. C'est le bon côté, on pourrait dire, de ce qu'a laissé la colonisation, si on peut, hein, avec toutes les précautions, évidemment, à dire. Mais en tous les cas, c'est vraiment très marquant. Et à ce moment-là, il y a toute la dimension de l'histoire. Et forcément, ce sont des jeunes, pour revenir à cette clinique-là, qui vont être complètement dominés par notre système, exclus, rejetés, laissés à la rue. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui finiront par y arriver. Mais voilà, c'est une autre forme de domination où on les traite à nouveau comme des déchets, quoi. Des inutiles. On, c'est qui? Alors, on, je dirais que c'est l'État français, l'administration. C'est une force comme ça où on dit qu'on est une espèce de rhétorique, dire que non, on n'a pas envie d'eux, on ne les veut pas. On ne les veut pas. Là, vous parlez de qui? De personnes, de citoyens français, de sans-papiers, de tout alors, ce type de personnes? Ceux qui viennent à nos consultations, et là où les livres de Fanon sont extrêmement précieux, ce sont effectivement des migrants. Alors, j'utilise le terme migrant qui se veut le plus neutre possible, quelle que soit leur situation administrative. Il peut y avoir des demandeurs d'asile, des réfugiés politiques, des déboutés, des sans-papiers, des dublinés, enfin, les mineurs non accompagnés. Administrativement, il y a toute une palette d'étrangers. Et quand même, ce qui prime quand même en France en ce moment, et même sur le plan psychiatrique, c'est qu'on ne les veut pas. Donc l'État français ne les veut pas, ça? L'État français ne les veut pas, ça c'est très clair. Très très clair. Donc ça aussi, si on remet cette perspective là dans l'histoire de la France, c'est quand même et encore une fois, qu'est-ce qu'ils cherchent en France? Quand on leur demande au bout d'un moment, c'est pas la première question qu'on va leur poser évidemment, mais pourquoi la France? Eh bien, vous avez des réponses magnifiques, mais parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est vraiment une réponse que vous entendez? Ça peut être des, parce que nous, on a envie d'apprendre, parce que chez les jeunes, c'est quand même... Alors après, il y en a qui sont arrivés en France un peu par hasard aussi. Hein. Je ne fais pas que des généralités. Alors comment vous procédez-vous en tant que psychiatre, justement? Quel est votre rôle? Quel est le rôle que vous pouvez jouer face à ces... Alors d'abord, l'écoute. Ça, c'est pas du luxe d'être écouté, en fait. Ça aussi, je voudrais revenir là-dessus sur Fanon. C'est dans ces quelques situations cliniques qu'il a données, et notamment sur le livre dont vous parlerez demain, Les damnés de la Terre, il y a des observations cliniques, et par quelques, on peut deviner sa position, c'est-à-dire qu'il écoute. D'abord, c'est important d'écouter, et il répond, il s'engage, il a une responsabilité. Mais nous, c'est pareil, face à un étranger, alors tout patient de toute façon, mais bon, je vais parler de mon travail, nous avons une responsabilité, nous sommes présents, quelle que soit la situation. Et même si les patients sont dans la rue, déboutés, sans papier, avec des situations absolument catastrophiques, nous sommes là. La responsabilité, c'est être là. Et de ne pas, disparaître, c'est-à-dire de répondre à la question. Quand Fanon, son patient, lui dit « voilà, ma femme a été violée », voilà, alors avec toute une histoire très, très intéressante, il lui dit « qu'est-ce que tu ferais, toi ? Tu la reprendrais, ta femme ?»« Oui, je pense », qu'il dit. Tu vois, tu n'es même pas sûr. Mais c'est là où c'est intéressant, la psychiatrie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne se défile pas. On reste là, on est là. Et ce n'est pas du luxe d'avoir une relation avec... Je dirais que nous, psychiatres, nous faisons partie des rencontres que les étrangers ont sur leur chemin. Et faisons de cette rencontre des bonnes rencontres. Où on est là, on est responsable, on va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de nous. Et Fanon, il est comme ça. Pour ça que pour moi, c'est un modèle important. Une présence jusqu'au bout, ça c'est difficile concrètement d'être présent jusqu'au bout comme vous dites. Je pense que lui, il a été présent jusqu'au bout quand il était en Tunisie. Lui c'est Fanon, hein. Vous lui, le montrez sur la table, le livre qu'il y a devant vous. Lui c'est Fanon. Mais quand il était en Tunisie et que il allait sur le front, il y a des témoignages aussi, hein, dont le Kestelot, qui a été une professeure en littérature belge, qui a connu Fanon, elle le croise et il lui raconte sa vie. Hein, elle dit malheureusement, bon, elle est morte il y a quelques années, mais elle disait, c'est dommage que je n'ai pas pu l'enregistrer, mais de quoi il témoignait ? Il témoignait effectivement de sa pratique psychiatrique en Tunisie, qui était quand même très intéressante aussi, puisqu'il a mis au point un hôpital de jour, sa pratique au front, donc avec le FLN, et son activité politique, bien sûr. Voilà. Donc, jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'au bout, il a été au front, s'occuper, pas que sur le plan psychiatrique. Elle dit qu'il a même opéré des gens. On n'en parle pas, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui ne devait pas raconter toute sa vie. Donc, il était là jusqu'au bout et d'écouter ces témoignages absolument terrifiants. Il a dû vivre, encore une fois, je crois que c'est vraiment important, parce que c'est du courage, ça. C'est-à-dire être là jusqu'au bout, c'est être courageux et c'est d'assumer sa responsabilité de soignant jusqu'au bout. Est-ce qu'on parle de guérison de ces patients ? Eh bien, mais c'est là où, si vous voulez, la guérison, c'est pas un absolu qui tombe du ciel, c'est pareil, c'est pas... dans le livre de Achille Mbembe, il dit « La pharmacie de Fanon », c'est très joli, parce que ça aussi, je tenais à le dire. Pour moi, Fanon, c'est le thérapon. Le thérapon ? Oui, c'est-à-dire c'est l'homme de deuxième ligne qui accueille les témoignages, qui reste là en tant que psychiatre, c'est-à-dire qu'il ne se dérobe pas à sa mission, qui est d'écouter et d'être responsable, de répondre à la demande de l'autre, d'y être très attentif. Bien sûr, il l'a dit, et Ali Charki a beaucoup relayé cette parole, c'est-à-dire que la guerre d'Algérie, nous n'en sommes pas encore revenus, nous ne sommes pas encore guéris de ça. C'est-à-dire que la guérison, elle va être très très longue pour, au titre individuel, bien sûr, au titre familial, pour des générations. Nous n'avons pas fini de souffrir de donc cette guerre. Donc là, nous, c'est pas simplement les colonisés, ce sont aussi les colonisateurs. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ah oui, non, ça j'en suis absolument persuadée. C'est ce que dit Fanon aussi d'ailleurs. Nos pères ont fait la guerre d'Algérie, nous en avons subi les conséquences. Alors évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes conséquences que ceux qui ont été colonisés, mais quand même, ce sont des conséquences. Donc la guérison, évidemment, on va tendre vers la guérison. Mais en tous les cas, le soin, c'est autre chose. On est présent, on soigne, on est dans une responsabilité face à l'autre. Et je pense que vraiment Fanon, dans sa clinique, moi, ce qui m'intéresse, c'est la description, évidemment, de celui qui a été, qui a fait la guerre, qui en a été la victime, voire l'acteur. Ça, c'est vraiment extrêmement précieux. C'est son positionnement, son écoute, malgré tout. Parce que écouter dans une situation de guerre, c'est pas évident. Hein. Ceux qui font de l'humanitaire vous diront que il est très difficile d'avoir un positionnement comme ça de soignant. Hein. On a plutôt envie de prendre ses jambes à son cou et de partir en courant. Non, on reste là. Et puis c'est finalement ce qu'il dit comme thérapeute, c'est-à-dire quid de toutes ces paroles-là ? Qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Qu'est-ce qu'elles deviennent ? C'est un message. Moi, j'ai l'impression qu'il nous donne des messages qu'il nous faut continuer à comprendre. Et c'est vrai que en relisant Fanon pour votre émission, Adèle, je me suis dit toutes ces belles observations, à qui servent-elles? Elles nous servent à nous, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons les mêmes témoignages, absolument les mêmes. Nous, c'est vous les psychiatres? Nous, les psychiatres, quand on nous écoutons les femmes violées, les hommes dont les femmes ont été violées, ils ne sont pas très loin des patients de Fanon. C'est-à-dire qu'il y a dans la guerre et dans la torture et dans ce que les colonisants, enfin les colons ont utilisé pour détruire l'autre, une espèce de finesse psychologique, je dirais, une espèce de finesse de la torture. C'est affreux de dire ça, hein, je vous assure, c'est affreux. Mais qu'on retrouve maintenant. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes devant des situations cliniques où ce que nous dit Fanon, c'est d'abord d'être là, de répondre, d'être là, d'écouter et d'être très conscient que la guérison, elle ne s'obtiendra pas tout de suite, quoi. Mais ça n'empêche pas de soigner. Et comme le dit l'ethnopsychanalyste, alors Georges Devreux, dans un autre contexte, il dit la guérison, c'est pas l'adaptation à une société malade. Alors, tout à fait. C'est le sens de la démission de Fanon. Je ne peux pas travailler dans une société qui aliène. Mon but, c'est pas ça. Je m'en vais. Ce qui est aussi un acte très fort. Hein. Il aurait pu dire bon, je finis mon mandat. Et puis... Non, il est. Il sera d'ailleurs expulsé d'Algérie. Quelques mois après. C'est toute la question du soin. Alors, nous ne sommes pas dans une société malade, mais nous sommes quand même, vis-à-vis de nos patients, dans une société qui les exclut et qui met un bout de temps, qui met beaucoup d'années avant de leur ouvrir un peu plus la porte. Donc ça aussi, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, et ça aussi, je trouve qu'on trouve des réponses en Fanon, c'est de ne pas faire porter à l'autre ce qui est du fait de la société, quoi. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si on veut être un psychiatre qui applique comme ça des techniques, on ne donne pas la parole à l'autre, on ne fait qu'observer, ben voilà, qu'il dit rien, qu'il est mutique, qu'il a l'air débile, etc. Et aussi de dire, ben voilà, il est vraiment, il a beaucoup de complexes parce qu'il se sent toujours méprisé. Tout. Mais c'est ce que dirait Fanon, c'est la société qui le méprise. C'est important, ça, de faire la distinction entre ce qui vient de ce qu'on lui applique sur lui, de destructeur, et comment lui, il fait face à ça, psychiquement, à cette société, qui peut être une société complètement aliénante, comme la société, comme la colonisation, ou la nôtre, qui peut être quand même très excluante. Merci beaucoup Claire Mestre, merci infiniment d'être venue nous parler de Fanon ce matin. Je renvoie les auditeurs donc aux écrits sur l'aliénation et la liberté de Fanon qu'on trouve aux éditions de La Découverte, au portrait qu'Alice Cherki a proposé de Franz Fanon. C'était il y a 20 ans maintenant et c'est une très bonne façon de s'initier à la pensée et de découvrir cet homme qu'était Franz Fanon en lisant ce livre. On mettra aussi en ligne la bibliographie, on peut lire un article que vous avez coécrit avec Marie-Rose Moreau, notamment sur le sujet. Merci infiniment d'en avoir parlé ce matin. On se quitte avec un chant algérien contemporain qui chante la folie justement qui peut naître cette fois-ci du mal du pays. Sur les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver la question du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Vivons-nous à l'intérieur d'un accident de laboratoire? Et non, je ne vais pas vous parler de la pandémie. Alors tout est parti en fait d'un tweet montrant le bras d'un robot industriel se déplacer à toute vitesse. La légende expliquait qu'il s'agissait du premier robot chimiste autonome, capable de conduire seul des expériences plus de 1000 fois plus vite qu'un être humain. En gros, un robot qui mélange des trucs, qui les place sous une hotte et qui regarde ce qui se passe. On sait ce que la découverte de la pénicilline ou de la radioactivité doit au hasard sérendipitique des laboratoires mal rangés. Il ne s'agit, en somme, que d'accélérer un peu le processus. Et évidemment, ça marche. Après 8 jours de manipulation continue et 98 millions d'expériences, notre bras robot aurait découvert quelque chose. Et donc, qu'a-t-il découvert ? Eh bien, une nouvelle catalyse potentiellement utile pour développer des technologies vertes. Évidemment, on n'imagine aucun polluant nouveau, aucun explosif révolutionnaire, aucun poison indécelable, le gentil robot. Je sens que vous doutez de sa découverte. Bah, disons que j'ai l'impression qu'on est devant un cas avéré de ce qu'on appelle le cherry picking, cet art subtil d'arranger les données pour que la cerise cache le gâteau. Ça ressemble à ces publicités pour Bayer qui racontent comment la firme chimique nous accompagne au quotidien depuis qu'elle a réussi à synthétiser l'aspirine, sans trop s'attarder sur l'époque nazie, ou bien à cette façon qu'ont eu récemment les fabricants de pesticides de former la COCAS, Union des industries de la protection des plantes. Mais ce robot, ce bras qui plonge dans l'urne d'un réacteur chimique, m'a plus profondément rappelé les travaux du futurologue Nick Bostrom sur la découverte scientifique envisagée comme un gigantesque tirage au sort dont dépend, en dernier lieu, le destin de l'humanité. Sa théorie étant qu'on a jusqu'à maintenant à peu près toujours sorti des balles blanches, mais qu'on aurait tout aussi bien pu sortir une balle noire et disparaître d'un seul coup. Une balle noire, qu'est-ce qu'il appelle une balle noire ? C'est quoi ? C'est la bombe atomique, par exemple ? Bah justement non, mais pas la bombe atomique, tout simplement car on est apparu trop tard sur cette Terre, assez tard en tout cas, pour que le stock d'uranium-235 présent dans sa composition chimique ait majoritairement achevé sa demi-vie. Il faut ainsi pas mal de temps et pas mal d'énergie pour fabriquer des bombes, mais il y a 3 milliards d'années, le processus complexe de l'enrichissement de l'uranium n'aurait pas été tellement plus dur que de ramasser du sable. Bon, mais alors que vient faire notre robot dans tout ça ? Quel est le sable radioactif qu'il risque de ramasser ? Eh ben, ça pourrait être, c'est l'hypothèse de Bostrom, comme dans un roman de Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park, une nuée de nanorobots autoréplicants et dévoreurs de carbone qui mangeraient en seulement quelques heures, à la manière d'une nuée de sauterelles de dimension apocalyptique, toutes les plantes de la Terre. Cela pourrait être, cela est peut-être déjà un perturbateur endocrinien qui rendrait les hommes progressivement stériles. Mais dans les deux cas, notre robot ne risquerait pas grand-chose. Et tout à fait, il pourrait d'ailleurs avantageusement se reconvertir et se mettre à fabriquer des molécules remèdes. L'histoire de la chimie a bien prouvé qu'il était possible de passer facilement de la production d'aspirine à celle du Zyklon B et inversement. Comme le dit Nick Bostrom de façon prophétique, il n'est pas possible de dépublier une découverte scientifique. Tout au plus, c'est l'intrigue géniale du roman Gain de Richard Powers, le roi des lessives cancérogènes, peut se reconvertir dans les traitements médicaux du cancer. Donc, ce que vous dites, si je vous suis bien Aurélien, c'est que nous sommes enfermés dans un laboratoire, que l'expérience a clairement dégénéré, mais que le seul moyen de s'en sortir, bah, c'est de la continuer encore. Pire en fait, nous sommes peut-être à l'intérieur de la boule noire, nous sommes le mauvais choix du robot, et s'il décide de tricher pour ne plus avoir à risquer de nous choisir, alors nous sommes morts. Eh ben merci pour la bonne nouvelle, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette émission cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Audrey Guélil. À la lecture des textes, Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de Frantz Fanon. On sera en compagnie de la philosophe Elsa Dorlin et on parlera des damnés de la Terre. Une philosophie de la violence. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien sur Spotify, iTunes, sur l'application Radio France aussi qui vous permet d'écouter l'émission en direct et en téléchargement, donc à l'heure que vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On est ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.